Chapitre 8e, le passé du futur. Tard, le soir, la mère et la sœur de Karim dorment paisiblement. De temps à autre provient de la rue le ronronnement de moteur d'un véhicule passant à toute vitesse, ou les miaulements de chats, en quête de nourriture ou d'accouplement. Enfouie dans son lit, éclairée par une lampe de chevet, Karim prend en main le second ouvrage que lui a prêté son ange du bien. Il regarde la couverture, Gaston Leval, Espagne libertaire, 1936-1939. Karim n'a jamais entendu parler de cet auteur, ni auparavant de Voline, l'auteur de La Révolution inconnue, ni lu quelque part ce mot « libertaire ». Grande, grande est mon ignorance, s'avoue-t-il avec embarras et reproche. Il se rappelle sa fréquentation de l'école primaire, puis secondaire. Hélas, quelle catastrophe! Au lieu d'enseignants, des instructeurs prêcheurs, des caporaux de caserne, pour eux, nous étions des singes ou des perroquets adressés, des animaux de cirque, rien d'autre. Il est vrai que ces soi-disant maîtres étaient eux-mêmes des singes et des perroquets, ni science, ni conscience, cercle vicieux, sans issue de secours. Sur la couverture du second livre, l'adjectif libertaire excite au plus haut point la curiosité du jeune infirmier. Il se rappelle qu'avec le premier ouvrage lu, le mot qui l'avait impressionné était inconnu concernant la Révolution. Cet adjectif est compréhensible. Il suggère la découverte de ce qu'on ignore. Par contre, le terme libertaire apparaît totalement bizarre. Que signifie-t-il? Liberté? Alors pourquoi cette R finale? Par un mystérieux mécanisme associatif du cerveau, dans la tête de Karim surgissent les sons R, RI, puis l'expression RI Yalhamar. Avance, bourricot. Karim en rit sous cap. Puis lève la tête vers le plafond et chuchote avec reconnaissance « Merci, Sylaphide, même si je suis un âne. L'important est de le savoir, ce qui est déjà une stimulation pour s'en affranchir. » Auparavant, Karim s'était informé sur Internet à propos des deux auteurs, Voline et Gaston Leval. Chacun des deux avait participé personnellement à une tentative de changement social radical au sens strict du terme. Malheureusement, les deux échouèrent et de manière sanglante. Cependant, chacun des deux auteurs, par la suite, employa la partie la plus importante de son temps à écrire pour témoigner et informer sur l'expérience vécue et les leçons à en tirer dans le futur. Comme dirait mon grand-père paysan, conclut Karim, ces deux hommes ont été les meilleurs laboureurs. Ils ont semé, bien que n'étant pas certains de récolter. Ému par le souvenir de son cher grand-père, Karim dirige les yeux vers le livre. Alors, grand-père, avec ce bon laboureur, je voyagerai dans le passé pour affronter le futur. Il se lance dans la lecture. Quelques minutes après, on frappe doucement à la porte de la chambre. « Karim, » murmure la voix préoccupée, « pourquoi ne dors-tu pas? Il est 2h30. » Le fils est embarrassé d'avoir causé de l'inquiétude à sa mère. Il se rappelle l'habitude de cette dernière, se réveillant pleine nuit pour aller aux toilettes. « Je peux rentrer ?» demande-t-elle. « Oui, bien sûr, viens. » Une fois dans la chambre, elle regarde son fils avec anxiété. « Pourquoi tu ne dors pas? Des soucis ?» Il la tranquillise. « Non, maman, simplement je lis. Tu dois d'abord te reposer. La nuit s'est faite pour dormir. Oui, je sais. Mais je ne suis pas fatigué. Et l'habitude de veiller à l'hôpital durant les nuits fait que de temps à autre, je n'ai pas sommeil quand je ne suis pas de service. Et que lis-tu? Oh, une histoire amusante. Il vaut mieux, pense-t-il, mentir à maman pour ne pas provoquer en elle une appréhension outre mesure. « Une histoire amusante, » répète la mère, pas totalement convaincue. « Ne te fatigue pas les yeux et dors le plus tôt possible. »« Oui, maman. Allez, va dormir. » Une fois de nouveau seul, Karim reste songeur, à cause de la priorité absolue accordée au mot « travailleur » dans le livre entre ses mains. C'est pour des gens comme maman, papa et moi que cet auteur écrit. Cela me fait du bien de le lire, dans le hideux marécage de désespoir, d'égoïsme et de pessimisme où je vis. Et quel immense dommage que ce texte ne soit pas lu par ma mère ni par d'autres travailleurs. Karim est brusquement submergé par une profonde vague de mélancolie. Il a été bien malheureux, papa, et tous ceux de sa condition. Ex-ouvrier métallurgiste, 27 années de très dur, exténuant labeur. À force de ramasser chaque jour de très lourds morceaux de métal, la colonne vertébrale s'était abîmée. En guise de remerciement, le consciencieux travailleur fut licencié, jeté dehors comme une vulgaire machine détraquée. Malgré les certificats médicaux, la direction prétexta une fausse maladie. Malheureusement, le père n'était pas syndiqué. Mais que pouvait faire un syndicat asservi aux autorités, estima Karim, et ne disposait pas d'argent pour payer un avocat afin de plaider sa cause, et même un avocat, quelle aurait été son utilité dans un régime dictatorial. Rapidement, la maladie empira, causant d'atroces souffrances. Hospitalisé, le malade fut scandaleusement mal soigné, parce que pauvre et sans soutien dans le Hukuma, l'administration générale. Cet événement décida Karim à la carrière d'infirmier, soigner les personnes réduites à la situation de son père. Certains médecins s'offusquaient du zèle de leur subordonné Karim. Ils voyaient dans son comportement une manière de les narguer. Quand il devint syndicaliste de base, ses disciples d'Hippocrate le signalèrent à la direction de l'hôpital comme « dangereux agitateur politique ». Pour se défendre d'un licenciement abusif, il en parla avec des collègues dont il connaissait l'honnêteté déontologique. Ils lui manifestèrent leur solidarité. Un vieil infirmier, ex-émigré en France, plaisanta ainsi. Même la corporation des médecins n'échappa à la lutte des classes.